约的。 C'est les mêmes trucs, BS4. Ouais, y'a un petit étonnant. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.

Thank you. Ça va aller mieux. Ok. Déjà, je vais faire une version acoustique. Pour voir ce que ça donne. Ouais, je recommence.